Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Radio Campus. Lille. 106,6. FM. Contre-culture. Random. Random. Émission radiophonique. Un dimanche sur deux. 19-20h. De l'information. De 19h à 20h. Radio Campus. Lille. C'est random. 106,6 MHz. 106,6. Hacker du groupe Dégénéré Sciences Lille. Sur Radio Campus. Un dimanche sur deux. Random. L'émission préférée des Ntech. Au lieu. Oh, comme c'est fort. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc pour cette 17e émission. 16, non, non bah, ça oui. Dépend en fait si on compte celle d'avant. Étant donné que la semaine dernière c'était... C'était une émission spéciale. Pour Wazem Accordéon. Donc le concert de Rachida, de Nick Jones des Clash et de... je sais plus qui. Oh là là. Alors que j'ai vu le concert en plus. Ouais, on peut baisser un peu le bruit de fond. Super. Voilà. Impeccable, et voilà. Donc une émission un petit peu spéciale pour cette nouvelle random. On va laisser un petit peu l'équipe se présenter. Donc bah DB déjà, premièrement, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Martigan, pas la technique. Moi c'est Adrien. Hein. Donc Little Charlie. Et c'est Elix à la technique, donc l'émission sera encore plus aléatoire que d'habitude. Ouais, tout à fait. Ouais. Déjà le son trop fort là. Bon. Avec la semaine aléatoire qu'on a vécue, une émission aléatoire pour la conclure comme il se doit. Donc alors on a, dans cette émission, on va quand même parler d'un certain nombre de choses. Oui, il y aura quelques actualités. On va parler donc du rapport Gallo au niveau de l'Union Européenne, du kit Facebook Day, des fiches d'Academia et de la dispute avec la CNIL, du projet OLPC, on en reviendra un peu dans le dossier. OLPC, One Laptop Per Child, donc un ordinateur portable par enfant. Et donc on approfondira un peu dans le dossier. Donc voilà. Et on parlera d'actualité locale, nationale un peu, avec la proposition de loi du sénateur Masson sur l'anonymat. Et sur le dos de Bluetooth à propos donc d'une association Latilde. Et surtout en fait de Wawamania quand même. Et donc on finira sur un dossier sur hauts lieux. Excusez-moi. Donc on fera un dossier sur les hauts lieux et le localhost. Tout à fait. On commence en chanson ou on commence en pas chanson? Comme vous voulez. Bon, la petite news. Hein. Ouais, les petites news. Ouais. Ah, tu dis quoi, là, sur le rapport Gallo? Moi, je fais pas ça. Moi. Donc, alors, le rapport Gallo, donc, c'est un rapport qui a été publié, qui a été proposé par Marielle Gallo, qui fait partie du PPE, donc le Parti conservateur européen. Sans surprise, c'est grosso modo un rapport qui prend. Renforce tout ce qui est lutte sur la contrefaçon, notamment la contrefaçon numérique, et essentiellement la contrefaçon numérique. En gros, c'est un petit bout d'acta qu'on a déjà dans un rapport. Ça se base essentiellement sur une étude qui s'appelle l'étude Terra, qui avait déjà été cassée au moment de Hadopi, parce que c'est l'étude qui avait été utilisée pour justifier la loi Hadopi. Et elle a été cassée par les opposants à Hadopi pendant le projet de loi Hadopi et elle a été cassée par la Cour des comptes américaine qui a dit que concrètement les données qui étaient fournies pour justifier un Hadopi au niveau américain, ça tenait pas. C'était le truc où il y avait 3% de données scientifiques et 97% de données provenant de l'industrie et des lobbies de l'industrie du divertissement. Voilà, exactement. Donc il y a le Parlement européen qui vote juste un rapport, donc ça c'est pas vraiment indicatif, c'est pas non plus législatif, c'est un peu entre les deux. Un rapport c'est un peu une note d'intention avant de faire un projet de loi. Donc le rapport de l'ancien PDG de la FNAC Concernant la loi d'Oupille, en fait. Là, c'est un rapport parlementaire, donc c'est pas exactement d'accord, la même chose. Mais donc, ça indique clairement la direction que risque de prendre le Parlement européen. Donc, aller dans le sens d'ACTA et de renforcer tout ce qui est lutte sur la contrefaçon. Voilà. Le quid Facebook Day ? Ouais. Fallait encore avoir un compte Facebook, quoi, donc... Ouais, alors me regardez pas comme ça. Écoute, t'assumes, hein. Bon. Donc au niveau du kit Facebook Day, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement que, à force de changer tout le temps les conditions d'utilisation, il y a des utilisateurs qui ont fini par en avoir marre, de voir leurs infos de plus en plus publiques et sans pouvoir avoir le contrôle dessus. Donc il y a une initiative qui a été lancée pour que le 31 mai, une majorité de personnes quittent Facebook. Ça a été un relatif échec. Il n'y a que les personnes ayant un certain bagage technique et qui ne sont pas forcément des leaders d'opinion qui ont quitté Facebook. Donc c'est vraiment une toute petite minorité, c'est un échec. On a suffisamment parlé des réseaux sociaux, notamment dans l'une des premières émissions Random. Je crois que c'était Random 3, il me semble, où j'avais fait un truc de 25 minutes sur le web 2.0 en tant qu'opium numérique du peuple, etc. Donc on va pas s'étendre là-dessus, sur la position. Ouais. Facebook, c'est mal. C'est moi qui dis ça. Je connais des gens qui sont juste là-bas à cause des jeux avec les fermes et tout ça. Oui, mais ça se voit à ta tête que tu connais des gens comme ça. Ah bon ? Tu connais des gens, toi. Ouais, tu connais des gens, toi. La CNIL et Acadomia, qui prend ? Je vais continuer. Je t'en prie, vas-y. De toute façon, t'es le seul à avoir bossé. Donc, il y a la CNIL qui tacle deux fois Acadomia. La première fois, donc il y a la CNIL qui dit juste qu'il y a un problème avec les fiches d'Acadomia, les fiches sur les clients et les éducateurs, enfin les formateurs. Il y a Acadomia qui fait un communiqué. En disant non, la CNIL s'est trompée, n'a pas de problème avec nos fiches, nos bases de données, elles sont clean, voilà. Mais il y a la CNIL ensuite qui publie une partie de son rapport, et donc là on a clairement des citations de commentaires assez trash sur des clients ou les parents des clients ou des formateurs, du genre sent vraiment fort de la bouche, con comme ses pieds, ou d'autres commentaires qu'on ne dira pas à la radio pour éviter de choquer les oreilles chastes. Quoi, quelles oreilles chastes ? À Radio Campus, il y a des oreilles chastes ? Le gros silence. Quoi, le gros silence. À quoi les Antec nous écoutent ? Il faut pas qu'on dise que Acadomia ils disent des conneries. Parce que forcément, s'ils ont fini gendarme, c'est qu'ils ont dû suivre Acadomia. Donc, dans la suite des news, il y a le... Il y a le projet OLPC qui sort donc un nouveau projet. Donc le projet OLPC, pour le resituer, c'est un projet qui vise à fournir aux enfants des pays en voie de développement des ordinateurs à moins de 100$ dans le but de pouvoir s'auto-former en plus des formations que leurs professeurs leur fournissent. Donc c'est basé sur les théories constructivistes de Piaget. Donc c'est assez proche du mouvement hacker, parce qu'on pousse les personnes à l'auto-apprentissage, à venir bidouiller, à venir à vraiment venir expérimenter. Donc voilà. De toute façon, c'est très très proche également du Templab. Sur Paris, il y a énormément de choses que le projet OLPC France fait sur Paris, qui est au Templab. Et on avait un projet avec le... Voilà. Bon, d'accord, on dira après. Oui. Et donc le projet OLPC sort une tablette, va lancer un projet de tablette tactile à moins de 100€, dans le but de faire un truc un peu plus léger et un peu plus simple à utiliser que l'ordi portable à 100€ qui faisait. À 100$, attention. 100$, 100$ américain. Voilà. Et donc au niveau des deux dernières news, c'est des news assez locales, donc il y a le sénateur Masson qui sort une proposition. Perry Perry Mason. Donc on a le sénateur on a le sénateur Masson qui sort une proposition de loi donc sur la défense du droit du qui sort un projet de loi donc sur le l'anonymat sur l'anonymat dans le but de forcer les blogueurs particuliers non professionnels donc vous et moi oui à donc à révéler leur leur identité sur internet. Donc ça pose des problèmes énormes. On imagine mal un blogueur sur des thèmes religieux ou des thèmes sur la sexualité ou le genre. Professionnel, hein, complètement. Ouais. Oui, voilà, bah, des avocats qui bloguent ou des médecins qui bloguent, c'est un peu tendu de parler de leur vie professionnelle sans. Bah, s'ils donnent leur identité, ils donnent les détails. On peut retrouver leurs patients ou leurs clients, donc c'est un peu embêtant. Donc il y a énormément de personnes qui se sont levées contre ce projet de loi, cette proposition de loi. Et donc voilà, il y a une pétition qui circule, bon, ça sera certainement dans les liens du résumé. Alors dans les résumés qu'on mettra un jour en ligne, parce que vu le retour, enfin vu le retard qu'on a, et on vous expliquera un peu pourquoi tout à l'heure on a un peu beaucoup de retard là-dedans. Bon, la news sur Bluetooth, je m'y colle. Ouais. Ouais. Bon, bah alors Bluetooth. Alors donc Bluetooth, qui est un blogueur assez influent parisien, parisianiste, un peu lié à tout ce qui est la quadrature du net, défense des libertés numériques, et tout ce qui est également un petit peu ce milieu-là, puis le milieu hacker, un petit peu également via le mouvement Hackerspace, a mis un peu le feu aux poudres tout récemment en publiant une note concernant Wawamania. Wawamania, c'est un forum à la con concernant des liens vers des trucs en téléchargement et tout. C'est un forum de collection de liens. Un forum de Warez. Tout il y a marqué « Entraide informatique » dessus. Marqué. Et dans les conditions, il y a un truc, il y a marqué... c'est moi cette fois. C'est j'approuve avoir apprécié Nicolas Sarkozy, enfin ouais, plein de trucs à la con comme ça. Il y a une petite provoque et tout. Alors ce qui fait scandale en fait, c'est que bon, c'est un secret pour personne, les forums de Warez génèrent de l'argent. C'est-à-dire que les forums de Warez, toutes ces forums de téléchargement, de films, de contenu quelconque, films, musique, jeux vidéo, logiciels, etc. C'est des trucs qui ont toujours généré de l'argent. C'est des trucs qui ont toujours généré de l'argent et qui sont liés à un milieu qui est très spécifique, qui est celui du milieu Warez, et qui n'est pas forcément copain-copain avec le milieu hacker. C'est plutôt un milieu qui génère du fric via la publicité. Parce que forcément, c'est des forums qui sont beaucoup fréquentés, puisque beaucoup de gens téléchargent. Et donc, sur X millions de vues par jour, vous avez un pourcentage, donc vous avez X millions de pubs vues par jour. Donc l'hébergeur du site récupère du pognon sur les publicités vues et également sur le pourcentage des publicités cliquées. Donc voilà, donc en fait sur X millions de gens qui voient des pubs pour des produits pornographiques, pour des produits culturels, pour, et qui viennent là en plus pour télécharger, il y a du pognon qui est généré et tout. Et, beaucoup même. Hein. La, comment ? Beaucoup même. Bah beaucoup même, suffisamment pour en vivre. On avait des chiffres, moi j'ai eu des chiffres sur un autre avant qui s'appelait Oléo, oui. Dont il parlait de plus ou moins 3000 euros par mois quand même, rien qu'en revenu publicitaire. C'est de cet ordre-là, hein. On fait plusieurs millions de pages vues par jour. C'est plusieurs millions de pages vues par jour, il se répercute à quelques centimes. À quelques centimes d'unité, ça fait plusieurs millions de centimes. Et à la fin du mois, t'obtiens un truc. Si tu... Alors, c'est par régie publicitaire en plus. Oui. Ça t'interdit pas d'avoir plusieurs régies publicitaires. Avec plusieurs types de pubs, plusieurs. Et donc, d'additionner à chaque fois les petits centimes, et puis à la fin du mois, ça te fait tout un tas de petits centimes sur ton compte en banque. Un bon paquet de centimes, ouais. Et alors. Sur ce que dit Bluetooth, en fait, c'est pas très compliqué. C'est est-ce que ces gens-là qui génèrent du fric et qui n'ont strictement rien à branler de la société de l'information et des droits liés à la société de l'information et au numérique, et qui sont juste là pour générer du pognon, est-ce que ces gens-là est-ce que ces gens-là sont quelque chose de bien pour défendre mes droits ? La réponse est évidemment non. Ils s'en foutent complètement de nos droits. Ils génèrent juste du pognon. Point barre. C'est ce que dit Bluetooth, agrémenté d'un certain nombre de chiffres et d'une petite micro-enquête qu'il a fait avec son copain. Avec un copain à lui. Et voilà. Alors ce petit commentaire, en fait, ce petit article de blog a vraiment pas plu ni à Wawamania, ni aux personnes qui soutiennent Wawamania. Oui, parce qu'il faut comprendre que il a beau générer du fric pour lui, il s'appelle Zach, il est passé à France 2 et tout, il a une batterie d'avocats, son pognon est à l'étranger, donc ses comptes ont été bloqués, mais de toute façon il a toujours du pognon et il administre plus Wawamania depuis ce temps-là. Donc c'est une personne qui n'est pas spécialement à plaindre en ce moment. Il y a quand même des gens qui sont dans des situations bien pires et on vous en parlera après. Ces gens-là ont des soutiens politiques, notamment du côté de la Ligue au débit et du fameux parti pirate français, donc le PPFR, qui soutient la Ligue au débit. Enfin, qui sont copains avec la Ligue au débit, qui, elle, soutient ouvertement l'action de Wawamania. Mais à l'inverse du parti pirate suédois, qui est une vraie force de proposition politique, qui fait un boulot au niveau du Parlement européen, un boulot important, c'est mon point de vue personnel, mais ils ne sont pas du tout productifs, voire ils font du grand n'importe quoi. Alors un autre soutien qui est très rigolo, c'est celui d'une association complètement inconnue qui a réalisé un coup médiatique. C'est donc la Tilde, oui. Qui est allée occuper pendant 2 heures les bureaux de je ne sais plus quelle association. L'association de lutte contre le piratage. Machin et tout. Donc en gros, ils ont demandé un rendez-vous avec le directeur en se faisant passer pour des développeurs d'une techno anti-piratage informatique, machin. Et puis ils ont profité de ce rendez-vous pour prendre la salle de réunion d'assaut et puis arriver là-bas avec une banderole. Ils avaient prévenu un journaliste à la con qui est venu là prendre une photo et voilà, c'est l'action. Et donc c'est une action en soutien à Wawamania. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qui s'occupe de la Tilde. C'est un adhérent de la Ligue au débit. Il y a des liens avec Zach, il me semble, mais c'est détaillé dans des billets de Bluetooth, parce qu'il va plus loin. Simplement maintenant, le site est totalement hors ligne. Alors, il est totalement hors ligne parce que des gens ont fait le choix. Ouh là là, ça fait déjà tout ce temps-là qu'on parle. On va peut-être passer un peu de musique après. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, ce truc a vraiment, vraiment, vraiment pas plu à tous ces gens-là qui font du pognon et qui soutiennent des gens qui font du pognon sur notre dos en polluant l'espace web par de la publicité. Et donc, ils ont organisé une grosse attaque massive en générant plein de connexions pour faire saturer le serveur. Et le pauvre Bluetooth, Avec en plus des botnets, hein. Donc ils ont loué ou créé des réseaux d'ordinateurs zombies dans le but de péter le serveur. Hein. Donc en fait, c'est de la délinquance... caractérisée. Ouais. C'est de la vengeance caractérisée de la part de tous ces petits gars-là qui font... Et vis-à-vis de quelqu'un qui a donné un avis politique... Et citoyens. Et en plus, argumenter avec des estimations, parfois avec des chiffres précis d'autres fois, mais avec vraiment quelque chose qui était argumenté, ça s'appuyait sur quelque chose. Donc on n'est pas super toujours d'accord avec ce que dit Bluetooth, enfin en tout cas moi personnellement je suis pas toujours d'accord avec Bluetooth, mais on aimerait quand même saluer ce garçon au passage et lui assurer quand même un certain soutien au moins moral de notre part, parce que dans cette affaire et dans cette affaire je pense que les personnes qui ont fait sauter le blog de Bluetooth, ils ont beau se dire pour un internet neutre, pour la liberté d'expression, contre la censure du réseau, ces personnes-là sont plus crédibles. Donc, au final, la question de Bluetooth, qui était quand même pertinente déjà dès le départ, qui était de savoir est-ce que ces gens-là soutiennent réellement la liberté d'expression, je crois qu'on a une réponse claire et nette de toutes ces personnes-là. Ils soutiennent leur profit personnel. On va arrêter de vous saouler avec nos bêtises politicardes pour vous saouler encore plus avec d'autres bêtises politicardes encore plus à nous. Ça va être bien, vous allez voir. Mais avant, on va vous laisser donc sur une petite... Ouais, je vais juste glisser un petit mot sur la piste musicale, parce que c'est pas de la chiptunes. C'est quelque chose à laquelle vous êtes peut-être pas habitué à ce qu'on passe dans Random. C'est un mec qui fait de la musique libre et qui explique pourquoi. Donc voilà. Enjoy. Enjoy, ouais. Si tu parles, on te tue. Si tu te tais, on te tue. Alors parle et meurs. Tu croyais quoi que l'oseille, la soif de reconnaissance allait continuer de diriger ce monde? T'as cru que notre musique allait garder le statut de la fille de joie qui se dévergonde? T'as rien compris, tu oublies de compter ceux qui ont la rage animale, qui élève le débat bien au-dessus de l'appel à cette putain de liasse à scandale. J'ai fait un rêve que la musique redevienne vraie sans calcul ni étude de marché. Que les activistes prennent des risques à la recherche de leur propre vérité. Ce rêve, je l'ai mis en forme sans format FM. Pas de support physique pour mes rap et mes poèmes. Mise à disposition du son en libre accès. Texte tranchant, sécrétion qui sort de mes plaies. Musique libre pour ça. Bon bonheur de leçon, simplement je dis le bon. Nous inventons des moyens pour se faire entendre. Notre engagement n'est pas toujours à vendre. Autoproduction, cabine de maquis, nec marron de l'industrie. Je me suis fait la malle, j'ai tracé ma route. J'ai laissé là avec leur stratégie marketing et leur banqueroute. Et le verbe de ceinturon, de juron, de mépris. J'ai gardé en moi cette violence, elle hurle dans mes lyrics. T'as cru que j'allais me fatiguer, qu'avec le temps j'allais me calmer. Ha, tu m'as pris pour un vendeur de CD. Multirécidiviste, amoureux des mots et du hors-piste. J'existe et réfute la démagogie. Et c'est ça le prix de cause factice. Musique libre pour ça. Les temps sont durs, l'époque est maussade. Nous avons convoqué la grâce au chevet de nos consciences anesthésiées. Nous avons pris notre destinée en main. Ce que nous voulons être, nous l'avons inventé. Créer des poches de résistance dans nos ventres et dans nos bouches. Et de fait, dans nos oreilles et nos esprits. Nous ne sommes pas un parti, pas une bande, ni même un groupe. Nous sommes portés par quelque chose d'invisible et d'immuable. Nous sommes vos enfants, nous n'avons plus d'âge. Nous sommes et vos descendants et vos contemporains. Que nous éteindrons, nous reviendrons à notre place. La vérité c'est que nous sommes invincibles. Tant que l'indicible sera lisible. Musique libre. Musique libre pour s'affranchir. Musique libre, gage de survie. Agir. Musique libre, combat le chiffre. Merci. Musique libre, création libre. Résiste. Le jingle, non? Oui, bah alors comme il est lancé, je pense qu'il y a un souci. Bon, oh le faux départ, enfin, hein, c'est pas ouais, grave. Faux départ, c'est pas grave. C'est clair. Ah, c'est ouais. L'USB, donc, ça. Bah, on va peut-être présenter un peu le dossier avant de lancer le jingle. Donc là, on va faire un dossier sur les hauts lieux et sur le local host, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc les hauts lieux, en bref, c'est un centre culturel alternatif qui a un peu défrayé la chronique ces derniers temps. Ah bah voilà le jingle. Bon, on va mettre. Non. Ça, c'est juste le fond sonore. C'est le truc que j'ai mis pour combler le gros trou là. Bon, zut. Donc on va parler donc des hauts lieux, qui est un centre culturel alternatif qui a défrayé la chronique cette semaine. et du Hackerspace qui était hébergé par les hauts lieux. Donc, qui est hébergé par les hauts lieux, donc le localhost. Dont on avait parlé la dernière émission, il y a un mois. Alors, on va pas prendre les choses par quatre chemins. De toute façon, on était dans une logique de réquisition. On insiste là-dessus. Le collectif des hauts lieux. Le collectif des hauts lieux étant, oui, parce que forcément, on n'est pas à l'émission des hauts lieux. Ah, il nous annonce qu'il a trouvé. Non, attends. Random émission aléatoire. Random émission aléatoire. Et donc, on va pas y aller par quatre chemins. Hein. Le processus donc de réquisition à l'heure actuelle paraît un peu en difficulté. On a eu une très très grosse actualité. Une journée extrêmement chargée de mercredi matin à hier soir. avant-hier soir. Le local qu'on avait trouvé qui était laissé totalement à l'abandon. L'adresse est publique maintenant. Oui, l'adresse est publique, donc c'est le 10 rue des Débris Saint-Etienne. Métro Riour. Donc on a nettoyé ce local, on l'a remis un peu en état pendant un mois, et au bout d'un mois, malheureusement, c'est l'électricien qui s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Il y avait un plomb qui avait sauté, et ça venait du fait qu'on a changé de tableau électrique et qu'on a mis notre propre tableau, et qu'on a fait sauter malheureusement les plombs à un moment. Donc il y a la police municipale, puis la police nationale qui sont venus faire une constatation comme quoi on occupait les lieux, et tout de suite, quelques heures après, le locataire des lieux, donc le groupe Zara Home, donc est venu voir qui étaient ces trois squatteurs qui étaient avec des chiens là, et ils ont découvert en fait qu'il y avait un collectif qui a été jusqu'à une partie de la journée jusqu'à regrouper une centaine de personnes autour d'un noyau dur de 20 personnes qui globalement animent le lieu jour après jour. Donc là donc il y a eu une négociation entre le collectif du Centre Culturel Alternatif des hauts lieux avec le groupe Zara qui, sans surprise, a débouché sur un ultimatum. Alors ouais. pour expliquer un petit peu ce qui s'est exactement passé dans le détail, donc mercredi matin, l'électricien de Zara vient faire son travail. Il faut comprendre que ça fait un mois que nous étions là, hein, occupation officielle depuis le 30 avril 2010, caché de la poste faisant foi. On est découvert quoi, le 2 juin, un truc comme ça, 2 ou 3 juin, mercredi. Donc en fait, à partir de là, il tombe nez à nez avec des gens dans un local vide. Forcément, il prévient sa hiérarchie, donc la hiérarchie du magasin, vraiment la hiérarchie locale du magasin, et la police municipale qui vient constater, qui nous fait jouer le petit coup de la police nationale. Est-ce qu'il y a un portable qui sonne là? Quand même pas. La police nationale arrive, Charles l'a dit, en fin de journée, il y a eu une délégation nationale de Zara qui est débarquée du siège par le TGV, que nous avons rencontré, et puis rendez-vous a été pris pour vendredi soir, avec Monsieur Salin, directeur général de Zara France. Le directeur général de Zara France a mis le collectif des hauts lieux sur un ultimatum. Un ultimatum qui est de savoir, mardi matin, Monsieur Salin veut absolument une réponse de la part du collectif. Est-ce qu'on quitte les lieux ou pas? La décision n'a pas encore été prise, donc on ne la communiquera ni ici ni à la presse, on peut parler de la couverture presse un petit peu. De toute façon, on ne représente pas le collectif en entier. On aurait de toute façon ici, dans l'émission Random, qui est l'émission du groupe Dégénéré Science Lille, aucune légitimité pour parler au nom du collectif. Mardi, il y aura de l'actu sur l'avenir des hauts lieux. Alors, sur l'avenir des hauts lieux et puis sur l'avenir de ces locaux. aussi, parce que M. Salin nous a donc assuré que si nous partions, il nous a donné sa parole. Alors bon, voilà. Il nous a donné sa parole en disant que ben voilà, toute négociation pouvait se faire, enfin qu'un certain nombre de négociations pouvait se faire quant au futur de ces locaux. Ces négociations avaient simplement pour prérequis que ben, nous quittions les locaux. Donc bon, ben, on va voir ce qu'on décide. Mais voilà, on verra aussi peut-être si Monsieur Salin, directeur général de Zara France, tient sa parole. Sachant que bon, Zara est donc locataire des locaux. Le propriétaire des locaux n'est autre que eh bien, l'ancien président d'Eurodif. Monsieur Lascar. Monsieur Lascar, le bien nommé Monsieur Lascar. Qui est donc propriétaire des locaux et qui ben donc voilà un petit peu les gens à qui on a affaire. Donc Zara, c'est Inditex. Zara appartient donc au groupe Inditex, qui est le groupe de monsieur Ortega, qui est 9e ou 10e fortune mondiale. Il aurait grimpé. Oh, ça c'est le jingle. C'est un test. C'était un test pour le jingle. Jingle réalisé cet après-midi. Ok, ça veut dire que ouais, le grand moment de silence était sponsorisé par Pulse Audio. Non, en fait, je pense savoir pourquoi. Ne lançons pas de polémique sur. Non, je pense que comme j'enregistre l'émission, en fait, il n'arrive pas à sortir en même temps. Alors, pour les auditeurs et auditrices, le truc à savoir, c'est qu'il y a une interface USB entre un laptop et la console de mixage qui diffuse à la fois un flux vers le laptop et qui écoute du laptop vers l'émetteur. Donc c'est finalement un bon vieux jack analogique, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Donc on le passe, à savoir que voilà, c'est quelque chose que j'ai même pas écouté. En fait, je viens de le finir là dans le studio, je l'ai pas écouté, j'ai exporté et voilà quoi. Donc c'est un brouillon en fait. C'est un brouillon, mais bon, c'était sûr. Enfin voilà. Ah, en effet. Voilà. T'es encore sur l'USB là ? Négatoire. Non. Bon, bah donc je vais meubler. Ouais. Que dire sur tout ça ? C'est qu'on a un vrai dossier. On a quand même un vrai dossier qui correspond en fait à toute la période d'occupation. Hein, donc toute la période d'occupation, donc savoir qu'elle a commencé en fait officiellement le 30 avril, même si on avait un certain niveau de contrôle dans les locaux depuis un certain temps, depuis début avril en fait, les personnes qui ont découvert un petit peu ces locaux n'avaient aucune idée ni de la superficie ni du propriétaire, donc ni de voilà, simplement une occasion de faire enfin ce hackerspace dont on parle depuis 2 ans à Lille quand même, et de savoir que Toulouse, Grenoble, Rennes sont équipés ou en voie de disposer d'un hackerspace dans leur ville, et Lille est un peu pas forcément à la traîne mais n'en a pas, et qu'on a besoin de trouver des locaux pour ces choses là. Donc effectivement le groupe y a vu une occasion. Alors dans quelle démarche, depuis début 2007 on avait le besoin en fait d'avoir un espace où se retrouver de manière un peu informelle, tout en ayant la possibilité de passer des conférences, de faire des ateliers, des démonstrations, etc. Il y a plusieurs pistes qui ont été explorées. Du côté de l'université, l'université c'est toujours un peu embêtant, c'est vachement lié au milieu étudiant, c'est un peu la fac 1 est un peu éloignée du centre-ville, c'est intéressant pour faire des émissions de radio mais pas forcément pour faire pour essayer de choper un lieu. Les horaires des bâtiments de fac sont peu intéressants pour des personnes qui travaillent et qui veulent avoir un local le soir, et puis de toute façon c'est pas possible, il n'y a pas de locaux, et c'est compliqué d'en avoir même pour des associations strictement étudiantes. Au niveau de la mairie, on a donc envoyé un dossier en 2008. On n'a eu aucune réponse. On sait que le texte a circulé au sein de la mairie, mais il n'y a eu aucune réponse. Et ça, pour des raisons politiques. Donc forcément, la découverte des locaux, on tombe sur un grand, grand truc. On a voulu s'y établir. Je crois que oui. De toute façon, c'est ça. C'est finalement ça. C'est un coup de cœur. Ce sont de très, très beaux locaux. très très bien situés et qui sont vides et inoccupés depuis plus de 2 ans. Et donc, où il n'y a pas de volonté d'occupation en plus. Il n'y a pas de volonté claire, nette et franche. C'est pas possible parce que de toute façon, les dégâts qui ont été causés pour les. L'installation des clims. Pour les installations des clims font que de toute façon, c'est pas utilisable en l'état pour une activité commerciale ou. Ouais, il y a même carrément des endroits qui sont devenus inaccessibles à cause des travaux qui ont été faits. À tout le rez-de-chaussée, ouais. Ouais, rez-de-chaussée. Il y a une alvéole complète où on ne peut pas y accéder parce qu'il y a des murs. Qui bouche en fait. Donc on voit bien que c'est un lieu sacrifié quoi. Plutôt que de perdre 100% du lieu, on en perd 60 ou 70, je sais pas trop. Mais... Donc bon voilà. Alors après notre démarche en fait, elle est pas très compliquée. On savait qu'on n'était pas les seuls dans cette situation à chercher des locaux. Et en plus on savait également qu'on n'utiliserait pas les 3000 mètres carrés. Donc en fait il y a d'autres groupes qui sont dans la même situation que nous et puis un peu dans le même état d'esprit alternatif, écolo, durable, économie sociale et solidaire, etc. Il y a eu aussi un collectif qui travaillait sur le genre et les sexualités. Tout à fait, voilà, donc une vision alternative du monde, équitable, humaine. En fait, c'est ça, je pense. Ce qu'on avait en commun, oui, c'était de remettre l'humain au cœur de la société, au cœur du système, de remettre. Et puis une certaine vision aussi citoyenne, responsable et militante des choses. On n'est pas juste des moutons qui suivent le troupeau, mais il y a quand même des gens qui ont des choses à dire, des choses intéressantes à dire. Et après, il est là, le fonctionneur, on l'entend. Ah si, je t'assure. Moi je l'entends. Il est là, si vous voulez, je deviens si sourd alors, plus fort. Non, mais je deviens sourd. Qui a dit ça? Alors pour la petite histoire, c'est juste que tout à l'heure je m'attendais à un jingle et que donc j'avais pas mis de fond sonore en même temps et du coup je l'ai lancé tout petit. Donc voilà, donc en fait notre démarche elle est à ce niveau-là. Alors après on peut parler de la réquisition. Et là on passe les feuilles. Donc la réquisition, elle s'est faite au tout début du... elle a commencé au début du mois d'avril, puisque y a plusieurs personnes qui sont venues... Je crois qu'on est assiégé, il y a des projectiles qui volent. Les premières visites du début du mois d'avril et se sont succédées pendant tout le mois. S'être aperçu que on avait un certain degré de contrôle sur le bâtiment. Entre nos visites, en fait, les locaux n'avaient pas bougé. Voilà. Donc, quand on vient une semaine et puis qu'on revient la semaine d'après. Il y avait les mêmes 2 ans de poussière partout sur partout. Le sol. Même trouver un paquet de biscuits par terre avec les biscuits dedans qui n'avaient jamais été. C'était vraiment la preuve que même il n'y avait pas de rats quoi. Pas de cafards. Pas de bestioles, rien. À part nous. On s'est rapidement organisé pour prendre les locaux. Pour essayer de faire les choses proprement quoi. Et donc on s'est naturellement tourné vers le DAL qui était la seule association qu'on connaissait donc cette problématique là autour du droit au logement comme son nom l'indique et donc on a fait visiter les locaux au DAL qui donc a commencé à loger des familles donc là-bas. Ouais. C'est vrai que le DAL au départ on était allé les voir vraiment pour un soutien on va dire technique et au final ça a été bien plus que ça quoi. Tout à fait, humainement, au niveau des conseils, et tout ça, c'est des gens vraiment très gentils, et qui ont compris notre projet. Ouais, parce que c'est vrai que nous, comme on disait avec DB un soir, nous c'est notre bac à sable, quoi, entre guillemets, c'est un projet, on en a envie, on en rêve, etc., mais il y a des gens qui ont une situation plus critique que... Largement que plus critique que la nôtre, quoi. Je parle des logements. Voilà. Et donc Donc c'est dans cette optique qu'on a fait venir le droit au logement, qui nous a aidé, qui nous a conseillé. Une visite qui a été faite avec le droit au logement. Alors, encore une fois, c'est une visite qui a eu lieu en plein jour. On a montré les locaux en plein jour. Et c'était avant la prise officielle des locaux. Alors, la prise officielle des locaux, donc elle a eu lieu le 30 avril, vendredi 30 avril, veille du 1er mai. caché de la poste faisant foi, ça veut dire qu'on a monté une boîte aux lettres en plein milieu d'une rue, boîte aux lettres qui y est toujours, hein, au 10 rue des Débris Saint-Etienne. Au 10 rue des Débris Saint-Etienne, il y a quand même eu, voilà, il y a une boîte aux lettres depuis ce jour-là. Ils s'en sont jamais rendus compte. Ils s'en sont jamais rendus compte alors qu'ils habitent là, quoi. Enfin, ils travaillent là, quoi. 7 jours sur 7. Alors, on me dit dans mon oreillette qu'il y a un rectificatif à faire. Oui, il y a donc quelqu'un de l'équipe qui a envoyé un SMS. C'était le bruit de GSM de tout à l'heure. Donc en fait, c'est suite à un relevé de compteur, d'après ce que j'ai compris. Oui, non, c'est ça. Oui, tout à fait. L'électricien qui est venu, il n'est pas venu à cause d'une coupure de notre part, parce qu'il n'y a pas eu de coupure de notre part. Okay. Il n'y a pas eu de. Ce serait du vandalisme, hein, de notre part. Ah, parce que moi, je me disais, je vais avoir l'air d'un con, mais j'apprenais quelque chose. En fait, non, en plus, ça. On se fait engueuler en disant que les essais, c'est chiant pour les auditeurs. Donc c'est juste vraiment tout à fait fortuit une personne qui est allée relever les compteurs et qui est tombée sur nous. Donc ils sont tombés sur nous au bout d'un mois, ça faisait un mois qu'on était là jour et nuit, et ils ont pas. Et la seule façon qu'ils tombent sur nous, bah c'est un truc tout à fait fortuit. Et Ouais. Pourquoi on dit voilà. Ça, c'est vraiment pour dire qu'on était là, on n'a même pas remarqué notre activité parce qu'elle était vraiment discrète. Pourtant, on faisait plus attention. Enfin, moi, personnellement, je veux dire, au début, quand on rentrait, on faisait gaffe, voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui nous regardait, etc. On était relativement discret au début. Moi, cette dernière semaine, là, je rentrais comme chez moi, quoi. Bah, je venais en vélo, je posais mon vélo. Enfin, voilà, c'était vraiment. On a ramené tout le matériel qu'on a ramené, les canapés, etc. Les canapés, les ordinateurs, tout le matos qui a été ramené, les travaux qui ont été faits. Donc voilà. Alors, on va vous parler un petit peu plus en avant du projet, mais d'abord, je pense qu'on va faire une pause musicale. T'as mais fait passer l'élastique autour de toi. Ouais. Donc, on va faire, je pense, une pause musicale. Ouais, une petite pause musicale. Je refais un essai avec mon jingle pourri. DIY jingle. Il est très bien. C'est vraiment de la. Ouais, je sais pas, en fait. On va le découvrir en même temps que vous. Ah, je l'ai pas encore écouté de toute façon. Ouais. Et maintenant, votre journal du soir. On démarre donc avec cette occupation d'un ancien magasin. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un squat. En apparence inoccupé, on a déjà commencé. Espace communautaire associatif, nouvelles technologies, jeunes branchés. 3000 mètres carrés en plein centre de Lille. On a un bon informateur. Un ancien centre commercial en plein cœur de Lille. Parfait. C'est 3000 mètres carrés à deux pas seulement de la Grand Place. Car ici, ces militants ont un vrai projet pour cet endroit. Pour tenter de trouver une solution. Ça fait une belle idiotie. We'll be right back. Voilà, donc on est de retour sur Radio Campus, donc 106,6 FM. Voilà, Radio Campus 106,6 FM, parce qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, donc là on le dit deux fois. Ouais, peut-être une troisième fois, comme ça on aura fait toutes... Vas-y. Mais c'est Radio Campus sur 106,6 FM. Voilà. Et virgule 6, attention. Ouais, voilà. Donc, chers auditeurs, vous on êtes revient sur Radio donc Campus. À l'émission. Ouais, juste, je les annonce parce qu'en fait on n'a pas parlé des pistes musicales. Alors là, vous venez d'entendre Tiaz Itch, c'était Wonder Boy. Et tout à l'heure, je vous ai passé de Dead Cabal, musique libre, voilà. Ok, donc là, on repart un peu sur le dossier. Donc le projet donc, des hauts lieux et donc le hackerspace qui était dedans, donc le local host. Donc on a un peu détaillé tous les projets qui se sont, inscrit dans cette démarche. Donc il y a le premier, c'est le gros projet à l'intérieur des locaux, c'est le hackerspace, un laboratoire d'expérimentation autour de tout ce qui est électronique, informatique. Il y a eu un témoignage d'intérêt de la part du projet OLPC pour venir travailler autour du projet OLPC sur Lille, un peu comme ça se fait au Templab, donc sur Paris. Il y a un espace de travail partagé ou de coworking qui s'appelle la coroutine, donc qui s'est aussi installé et qui a bien fonctionné et qui fonctionne toujours pas mal. C'est même le projet, je trouve, qui a le mieux, qui a vraiment dynamisé un peu, qui était plus dynamique, quoi. Parce que autant nous, le local host, on était vraiment en préparation, comme il y a plein de choses à faire, on s'était en train de préparer, alors que eux, directement, ils ont une activité concrète et c'était très dynamique tout de suite, quoi. C'est d'ailleurs le projet qui est souvent paru dans les reportages des médias. Oui, voilà. Donc il y a ensuite autour de ces deux projets assez importants, il y a d'autres projets qui se sont montés mais qui ont pas toujours, qui se sont pas toujours développés. Surtout que ça fait un mois qu'on est dans les locaux. Donc il y a un espace de gratuité qui s'est mis en place aussi donc dans les hauts lieux. Un espace de gratuité, c'est en fait vous déposez des ressources dont vous n'avez pas besoin et d'autres personnes viennent les récupérer. Donc par exemple vous ne grillez jamais vos tartines, vous avez un grille-pain, vous n'utilisez pas en parfait état, vous le laissez et il y a quelqu'un d'autre qui vient le prendre. Ouais, Noël, vous en avez eu deux. Et dans la même optique, il y a donc un espace de prêt où là, il y aurait eu un site en place pour suivre un peu où sont les objets et venir les récupérer. Donc voilà. Donc ça se rapproche un peu du logiciel libre où il y a un peu de la libre diffusion du code. Là, il y a la libre diffusion, le libre prêt de ressources matérielles cette fois-ci, en dehors des échanges commerciaux. Donc il y a eu aussi des ateliers et cours artistiques qui étaient prévus, qui pour l'instant n'ont pas encore eu lieu. En fait le but c'était de regrouper des artistes, des étudiants en art ou des novices et de leur offrir un espace, l'espace dont ils ont besoin pour créer. Donc c'était vraiment histoire de laisser libre cours aux artistes. Et il y aurait eu éventuellement des cours de certains artistes à destination d'enfants. Il faut que tu arrêtes d'en parler au passé, on est encore là jusqu'au moins mardi. Hein. Oui. c'est l'ultimatum qui. C'est l'ultimatum qui me. Voilà. Il se passe des trucs à l'antenne là. Ouais, il se passe des trucs. Il ouais. y a un ghost dans la table de mixage et. voilà. Donc il y a en parallèle avec la coroutine, il y avait il y a toujours un projet de cantine bioéquitable pour permettre aux gens qui travaillent la journée ou aux personnes qui font partie des activités associatives de pouvoir se nourrir le midi. Ouais, voilà. c'est des projets qui sont tous un peu liés. On va peut-être lister là, parce qu'en fait, niveau timing, sinon ça va être short. Les gens auront compris l'esprit de tous les projets, c'est vraiment dans la même ligne. Donc je vais finir par les derniers. Donc il y avait un cours de danse pour permettre d'accueillir des jeunes femmes en situation de précarité et de les écouter. Voilà. Qui a eu lieu, il y a eu un cours de danse. Ça c'était parti. Ouais. Et donc il y a eu un collectif qui a réalisé un clip autour des genres et de la sexualité. Une notion de genre et de sexualité. Donc dans les locaux. Dans les locaux, donc on a encore une trace de plus de l'occupation. Hein. Voilà. Et il y a toujours un petit jardin qui se met en place. Ouais. Donc, il y a des tomates qui poussent. Ouais. Tomates, morantes. En dessous de la verrière. Voilà. Sans oublier les logements. Sans oublier les logements. Et est-ce qu'il y a encore un couple qui vit là ? Qu'on salue au passage. Voilà, coucou. On rappelle quand même à Zara et au patron de Rodif que... C'est pas que des jeunes qui squattent un local, c'est aussi des personnes qui ont besoin de vivre correctement leur vie. Mmh. Une famille qui est vraiment en or... Sans jeu de mots. Non, qui est vraiment une personne humainement charmante. On a eu l'occasion de vivre avec eux tout. Quasiment, ce mois-ci, tout ce mois-ci, de toute façon. Et voilà, et c'est pas seulement des jeunes arrivistes ou des jeunes rêveurs ouais, que vous tentez de virer. Hein. C'est aussi des gens que vous remettez à la rue. Il faut. Voilà. Il faut dire cette réalité-là. C'est aussi des gens que Zara et Rodif remettent à la rue. Et voilà, il y a une vraie réalité et une vraie conséquence à vos actes de spéculation immobilière. Je pense que lundi, ça sera un peu le moment de faire le point. On donnera de toute façon lundi, le collectif des Hauts-Lieux donnera sa décision de... Est-ce qu'on reste ou on part? Et ça sera aussi l'occasion de faire un pot avec ceux qui nous ont soutenus ou ceux qui veulent nous soutenir. Donc le soir, vers quelle heure? Bon, le soir. Bon. Ouais. Selon la notion de soir qu'on peut avoir. Bon, je pense qu'on peut raisonnablement faire démarrer le pot vers 18-19h. 18-19h, ouais, oui, je pense. Sachant que les bâtiments sont pas tout à fait aux normes, donc il se peut que normalement il devrait avoir assez de place et ça va pas poser de problème d'accueillir beaucoup de monde, mais il se peut que qu'on soit peut-être obligé de limiter pour éviter qu'il y ait des accidents. Donc vous pouvez venir avec vos amis, avec votre famille. C'est un lieu ouvert en plein centre-ville de Lille, un lieu où il y a de la vie, où il y a de l'activité. Il y a de l'espoir. Et voilà, venez avec toutes vos bonnes intentions. Et venez voir ce qui se passe. Venez voir réellement. Et puis venez voir l'espace. L'espace qu'il y a. À quelques mètres de France Bleu. Qui déménage parce que les loyers sont trop chers. Il y a nous. Et c'est aussi bien pour les personnes qui veulent nous soutenir que pour celles qui veulent savoir aussi qui on est, simplement. Voilà. Oui. Okay. Humainement et puis collectivement. Qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Ou des personnes qui ont des locaux vacants et qui disent tiens, ce serait peut-être bien d'avoir un co-space dans mon gros local qui sert à rien. Ah bah voilà, ouais, par exemple. Idée constructive. Sur ce, je pense qu'on va bientôt passer à l'agenda. Ouais. On va passer à l'agenda, ouais. Avons-nous un agenda? Eh ben, vu les yeux écarquillés de... Si, un agenda, c'est mardi. Alors déjà lundi soir, donc le pot au lieu. Ça sera l'occasion pour ceux qui ne le connaissent pas encore de découvrir les locaux du Hackerspace et les locaux du. Qui valent le coup, parce que c'est vraiment visuellement quelque chose de très joli. Mardi, l'ultimatum de Monsieur Salin et de Zara. Le 12 juin, il y a la fête des 3 ans de la brique. Qui est un journal indépendant et assez impertinent donc de la métropole lilloise. Ouais, un journal local militant de la métropole lilloise qui fête ses 3 ans et qui fait ça sous la forme d'une soirée contre les violences policières. C'était à la maison de quartier du quartier de Vauban, donc j'ai pas le flyer sous les yeux, alors du coup c'est compliqué, mais vous devriez pouvoir, il y a une annonce sur IndieMedia, de toute façon sur lille.indiemedia.org, vous retrouverez le programme de ces festivités qui se passent le 12. Dans 15 jours, donc dimanche, pas le dimanche prochain, mais dimanche dans deux semaines, ce sera la Random 17. Et 18, puis, non. Ou 18, oui, bon, un peu comme on veut compter. De toute façon, on compte aléatoirement, donc on s'en fout un peu. Et puis, le premier vendredi du mois prochain, ce sera le meeting de 1600 Lille. 19h30, Grand Place, rendez-vous en face de l'entrée du Furet du Nord. Et puis, plus d'infos sur www.2600lille.org. Il y aura aussi les rencontres mondiales du logiciel libre qui se dérouleront en juillet. La deuxième semaine de juillet. Bon réflexe. Donc voilà pour l'agenda. Sur ce, on va se quitter avec votre émission électro préférée qui arrive, qui dépose ses cartons. Attention Little Charlie. Arrêtez-vous. Voilà. Et on va donc vous laisser avec votre émission électro préférée, Choupa Pimento. Mais donc vous êtes toujours sur Radio Campus. Saucisse FM. Saucisse Poichiche FM. Et là vous allez avoir une émission un peu plus sérieuse que la nôtre. Non. Ouais, si, je crois. Il y a une bataille d'élastiques dans le studio depuis tout à l'heure, en fait. Non. Ce n'est pas un élastique. Arrêtez, mais il y a des auditeurs et des auditeuses qui nous écoutent quand même. Bon, ça, c'est ce que tu crois, en fait, il n'y a personne. Au revoir, les gens. Au revoir. Allez, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Merci à la technique. Bisous à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour, les gars. Je m'appelle Matt Martigan. Random. Pour arrêter, c'est trop risqué.